Allez, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui sont avec moi jusqu'à depuis 10 heures. Alors ce mardi, direction Cézanne pour une pause culturelle avec une exposition visible toute la semaine dans l'espace 18. Peintures, créations contemporaines et œuvres locales sont à découvrir en accès libre tous les après-midi. Alors c'est une sortie assez douce, hein, mais parfaite pour une balade tranquille dans le centre-ville de Cézanne. Et vous pourrez vous délecter d'un excellent café ou de continuer à faire une petite promenade, hein, dans les rues assez historiques de Cézanne. C'est une idée sortie simple, mais enrichissante pour les amateurs d'art et de patrimoine. Vous êtes toujours dans le carnet des plaines, c'est Loïc avec vous jusqu'à midi. Vous êtes toujours sur Antenne 87, votre radio locale.